Childhood and reality to come, I guess. Et donc je donne tout de suite la parole à Alexandre. Merci Jean-Paul. Je tenais d'abord à remercier Nicolas Tixier pour m'avoir invité ici. Je suis pas très, enfin je suis très heureux d'être là et aussi ému et un peu intimidé parce que c'est intimidant pour moi toujours ou émouvant de parler de Walter Benjamin. En plus ici, et puis aussi devant des gens qui ont passé de nombreuses années à le lire, à l'interpréter et à l'aimer, et donc c'est encore plus intimidant. Je suis content aussi d'être là avec vous tous et toutes. Il y a quelques années, ici même, 4 ans en fait, j'avais présenté une étude consacrée au monde des enfants et à celui des pauvres dans l'œuvre de Walter Benjamin. En m'attardant notamment sur certains passages de ce livre si beau qu'est Enfance berlinoise. Il s'agissait entre autres d'illustrer les manières de cette philosophie. Cette étrange façon qu'il a de faire de la philosophie en composant des mondes d'images, activant des gestes. La chasse aux papillons, les théâtres d'ombres chinoises qu'on accommode, l'émerveillement devant le mystère d'une pelote de chaussettes qui se divise et que l'on ne sait plus trop bien comment unifier. Mais aussi au détour des rues et de situations à Naples, où l'on découvrait qu'il y avait là de l'espace pour qu'advienne d'autres façons d'être et de penser. L'infini, tel que le conçoit alors Walter Benjamin, c'est d'abord du non-fini, de l'inachevé, de l'ouvert, qu'il envisage comme un centre de gravité, un centre qui est toujours nécessairement décentré, débordé. Et on pouvait aussi remarquer que les objets qu'il convoque ont une étonnante propriété. Une chose y est toujours aussi autre chose, de sorte qu'il s'agit pour lui de nous embarrasser avec cette matière indéterminée. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est plutôt présenter et aussi interroger dans cette œuvre quelques figures de l'enfance qui sont parfois laissées un peu de côté, mais en parler de façon assez déliée, peu construite, comme pour mettre à plat les choses, afin qu'on puisse peut-être ensemble objectiver son propos, mais aussi élaborer un problème, une question. Et cette question trouve en quelque sorte un complément de matière dans l'une des thèses que rédigea Walter Benjamin peu de temps avant de se donner la mort, la thèse 10 sur le concept d'histoire. Je tiens à ce qu'elle soit un point de fixation. Il écrit ceci. Je crois que c'est dans la traduction de Philippe Hivernel. C'est sûr. Les objets que la règle monastique affectait à la méditation des frères avaient pour tâche de les détourner du monde et de son agitation. La pensée qui prend son cours ici procède d'une semblable vocation. Elle vise donc à un moment où les politiciens en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir gisent à terre et aggravent leur défaite en trahissant leur propre cause. Elles visent donc à délivrer des filets où ils l'avaient piégé dans leur maille, l'enfant politique du siècle. La considération que voici a pour point de départ que l'obtuse foi de ces politiciens dans le progrès, leur confiance en leur base de masse, et au bout du compte, leur intégration servile dans un appareil incontrôlable ne furent que les 3 aspects d'un même phénomène. Elles cherchent à donner une idée du prix élevé que notre pensée d'usage doit acquitter pour une représentation de l'histoire qui évite toute complicité avec celle à laquelle ces politiciens continuent de tenir ferme. Il y a donc un prix à payer. Il y a un prix à payer à vouloir se dégager de ses habitudes de pensée et de vie, pour délivrer ce que Walter Benjamin désigne ici comme l'enfant politique du siècle. Alors il s'agit naturellement d'une simple image, une métaphore qui tend vers l'allégorie. Or on sait bien que cet enfant politique est restée coincée au siècle dernier, et même très certainement au tout début du siècle dernier. C'est que Walter Benjamin a pu assister à l'écrasement de la Révolution allemande. Et près de 20 ans après, peu de temps donc avant qu'il ne rédige ses thèses, le pacte germano-soviétique finit de confirmer ce qu'il y a à penser. La pensée de l'histoire qu'il affirme entend rompre tout lien avec celle qui continue encore de structurer notre conception intuitive du monde. Alors, parmi les textes que je voulais convoquer, il en est un qui date de 1939, où Walter Benjamin commente un poème de son ami Bertolt Brecht intitulé « Sur l'enfant qui ne voulait pas se laver ». Et Brecht, nous dit-il, prend le parti de cet enfant dans un ménage qui plus est, où il n'est même pas possible de trouver une serviette. Je vais lire ce très court poème qui a l'allure d'un conte et qui, donc, fait en quelque sorte écho à ces contes radiophoniques. Il était une fois un enfant qui ne voulait pas se laver. Le lavait-on sur le champ, allait de cendre se barbouiller. L'empereur, en visite, grimpa les sept escaliers. D'une serviette, la mère s'enquit, pour que le petit souillon soit nettoyé. Justement, point de serviette là, l'empereur partit, avant que l'enfant le vît, ne pouvant, lui, demander cela. Walter Benjamin rapproche aussitôt cette figure du souillon de celle des petites hordes qui habitent le monde utopique décrit par Charles Fourier. On sait que Charles Fourier répartit les enfants de ces communes que sont les phalanstères en deux groupes. Il y a d'abord les petites bandes qui ont affaire au jardinage et à toutes les autres activités plaisantes. Les petites hordes, quant à elles, s'occupent des choses sales. Aucun travail, nous dit-il, aucun travail ne pouvait être entrepris dans le phalanstère sans qu'elle n'y mette la première main. Et ses enfants avaient des poneys nains sur lesquels ils filaient à toute allure. Et à l'heure de se réunir pour le travail, une assourdissante cacophonie de coups de trompette, de sifflements de vapeur, de sonneries de cloches et de cymbales donnait le signal. Si orgueil, impudence, insubordination étaient les passions majeures caractérisant les membres de ces petites hordes, la plus importante de toutes, selon Fourier, était le goût de la saleté. Et c'est ainsi qu'après avoir évoqué en ces termes l'univers de Charles Fourier, auquel il consacre une liasse, dans le livre des passages, c'est ainsi que Walter Benjamin conclut son commentaire par une méditation que je vais vous lire. Le lecteur repense au petit souillon en se demandant « Peut-être se barbouille-t-il de cendre uniquement parce que la société ne mène pas sa passion de la saleté jusqu'à un emploi utile et bon, et dans le seul but de faire obstacle à son ordre, telle une pierre d'achoppement. Un sombre avertissement. » Et il ajoute entre parenthèses, non sans similitude avec le petit bossu, qui dans la vieille chanson met hors de ses gonds la maison bien tenue. Si Fourier a raison, poursuit-il, l'enfant n'aurait pas beaucoup perdu certainement à la rencontre avec l'empereur. Un empereur qui ne veut voir que des enfants propres ne représente plus que les sujets limités auxquels il rend visite. Alors avec ce petit souillon, insubordonné et obstiné, nous avons en somme une première figure que Walter Benjamin caractérise comme un sombre avertissement. Quelque chose d'obscur qui inquiète ou menace un certain ordre de la société. Quelque chose qui indique aussi une butée, une limite, ce qu'elle refoule ou forclos. Ou pour le dire autrement, il faut bien qu'elle soit particulièrement sale, cette société, et on sait bien qu'en réalité, elles sont assez sales, nos sociétés. Il faut bien qu'elles soient sales pour ne compter que des sujets limités. Mais je voulais dire aussi que ce n'est donc pas l'image d'une enfance tranquille que nous confie ici Walter Benjamin, mais celle d'un enfant sale et menaçant qu'il associe à la célèbre comptine du petit bossu. Un petit bossu qui dérange sans cesse les habitants et les choses de la maison. Dans un passage d'enfance berlinoise où il évoque ce petit bonhomme malicieux, il écrit « Là où il apparaissait, je n'avais plus qu'à contempler les dégâts. Contemplation tardive à laquelle les choses se dérobaient. Jusqu'à ce que, en un an, Le jardin fut transformé en jardinet, ma chambre en chambrette, et mon banc, en petit banc. Ils rapetissaient, c'était comme s'ils leur poussaient une bosse qui maintenant les incorporait eux-mêmes pour très longtemps au monde du petit bossu. Tout se passait donc comme s'ils poussaient une bosse aux choses, le jardin, la chambre, le banc, des bosses qui les incorporaient au monde du petit bossu. En 1929, soi-disant auparavant, Walter Benjamin rédige un programme pour un théâtre prolétarien destiné aux enfants. Il répond ainsi à une demande de son ami Achille Assis, chargé d'élaborer pareille proposition pour la maison Liebknecht à Berlin. Achille Assis est une révolutionnaire lettonne que Walter Benjamin rencontra à Capri en 1924 et à qui il dédiera son ouvrage « Sens unique ». On sait d'elle notamment qu'elle organisa en 1918 à Aurel, dans une Russie en plein bouleversement, un centre éducatif où elle recevait entre autres des enfants des rues, les Bess Prizorniki. Parmi eux, écrira-t-elle, des garçons au visage noir, non lavés depuis des mois, avec des vestes en loques d'où la ouate pendait en mèche, des pantalons de coton large tenus par des bouts de ficelle, tous armés de bâtons et de barres de fer. Et bien plus tard, lors de son voyage à Moscou, il l'a rejoint, Walter Benjamin évoque à son tour dans son journal ses enfants tombés au ruisseau, d'une tristesse sans nom. Il écrit « Le jour durant, on les voit le plus souvent seuls. Mais le soir, ils se bousculent en troupe devant les façades de cinémas éclairés d'une lumière criarde. Et on raconte aux étrangers qu'il ne fait pas bon de les rencontrer sur le chemin solitaire de la maison. Pour atteindre ces êtres, tout en sauvagés, méfiants, amers, il ne restait rien à l'éducateur que de descendre lui-même dans la rue. » Cet éducateur dont il parle, c'est évidemment Achille Assis, une éducatrice. Alors, il ne s'agit plus cette fois d'un conte poétique, ni d'une projection spéculative. C'est en les impliquant dans une pièce pour enfants de Meyerhold que Lassis réussit à entraîner ses Bess Prizorniki dans le jeu théâtral, en mettant en particulier l'accent sur le rôle de l'improvisation dans cette expérience. Et l'essai de Walter Benjamin entend ainsi formaliser le travail pratique de cette femme, qu'il a aimée, et qui l'aura tant influencée. Et dans ce texte, il instruit son propos selon une opposition constante par rapport à ce qu'il appelle l'éducation bourgeoise, dont écrit-il, je cite, l'échec dans la sphère de la petite enfance trahit singulièrement l'inhumanité de ses contenus. Ce sont donc bien deux mondes qui l'opposent et qui s'opposent. Et ce qui doit caractériser ce qu'il appelle l'éducation prolétarienne tient en deux idées très simples, une dialectique positive. L'éducation de l'enfant, écrit-il, exige que sa vie entière soit mise en jeu. Et l'éducation prolétarienne exige que cela ait lieu dans un champ limité. La vie entière, dans sa profusion sans limite, s'y manifeste encadrée dans un seul et unique champ de théâtre. Alors ce théâtre n'a évidemment rien de commun avec celui de la bourgeoisie, qui est économiquement déterminée et qui, sociologiquement, est un instrument de sensation et de séduction. Il n'y a pas non plus de place à cet endroit pour un public supérieur. En outre, la représentation, nous dit Benjamin, n'est pas le but véritable du travail collectif fourni par les clubs d'enfants. Elle a lieu incidemment. Et l'éducateur qui s'intéresse surtout aux tensions qui ont lieu et qui se résolvent pendant le procès de construction. Et l'éducateur s'intéresse surtout aux tensions. Je disais aux tensions qui ont lieu et qui se résolvent pendant le procès de construction. Dans cette sorte d'écart, il n'exerce donc aucune influence morale, aucune intimidation, mais une influence indirecte sur les enfants à travers les matériaux, les tâches assignées, les manifestations. Et cette mise en congé libère donc son attention au profit de l'observation. Walter Benjamin écrit « L'observation, l'observation seule est le cœur de l'amour non sentimental. Tout amour éducateur se réclamant d'une supériorité du savoir et du vouloir ne vaut strictement rien. Cet amour-là reste sentimental et vaniteux. Mais pour l'observation, avec laquelle commence seulement l'éducation, la moindre action, le moindre geste enfantin devient signal, non pas tant, comme il plaît aux psychologues, signal de l'inconscient, des latences, refoulement et censure, mais signal venant d'un monde où l'enfant vit et commande. Dans les clubs d'enfants russes a pris corps une nouvelle connaissance de l'enfant qui conduit à ce théorème. L'enfant vit dans son monde tel un dictateur. Tout geste enfantin, ou presque, est ordre et signal. Et Walter Benjamin définit un peu plus loin ce qu'il entend par geste, je cite, « mise en rapport exact de l'innervation créatrice avec la réceptive, tel est le geste enfantin ». Dans ce théâtre, l'improvisation est centrale. Et si la représentation est appelée, je cite, « à opérer la synthèse de ces gestes », c'est qu'elle comporte l'unicité de l'imprévu, qui dessine l'espace propre au geste enfantin. La performance enfantine, ajoute-t-il, recherche non pas l'éternité des produits, mais l'instantané du geste, et le théâtre, art de l'éphémère, où l'on construit tous les soirs un monde à partir de rien, est, écrit-il encore, l'art enfantin par excellence. Alors, ce qui caractérise en réalité cette pédagogie prolétarienne, telle que la projette, l'envisage, cherche à la construire, ici Walter Benjamin, et qu'elle garantit aux enfants le plein accomplissement de leur enfance, dans un champ limité. Contrairement à l'éducation bourgeoise, elle ne doit pas établir de domination formelle sur l'enfant. Aussi, écrit Benjamin, n'a-t-on pas besoin non plus, dans le prolétariat, de ces myriades de mots doux, derrière lesquels la bourgeoisie dissimule les luttes de classe de sa pédagogie à elle. Aux pratiques sans prévention, compréhensives, intuitives, aux éducatrices aimant les enfants, on renoncera facilement. La représentation est la grande pause créatrice dans l'œuvre d'éducation. Je vais lire à présent simplement la fin du texte. Les enfants qui se livrent ainsi au théâtre se délivrent dans ce genre de représentation. Leur enfance s'accomplit dans le jeu. Ils n'emporteront avec eux aucun de ces résidus qui, plus tard, entravent l'activité non sentimentale par des souvenirs larmoyants. Ce théâtre est aussi le seul utilisable pour l'enfant spectateur. Quand les adultes jouent pour les enfants, il n'en sort que du cabotinage. En ce théâtre d'enfants gît une force qui réduira à néant la gesticulation pseudo-révolutionnaire du théâtre le plus récent de la bourgeoisie. Car la propagande des idées n'a pas d'effet véritablement révolutionnaire, quand de ci, de là, l'incite à d'impossibles actions et se dissipe dès la sortie de la salle à la première réflexion de sang-froid. Ce qui, en revanche, produit cet effet vraiment révolutionnaire, c'est le signal secret de la réalité à venir qui parle depuis le geste enfantin. Alors, ce que je retiens de ce programme, qui, comme vous l'entendez, est tellement généreux, mais aussi tellement incisif, ce programme qui est aussi bien une définition irréconciliable d'un théâtre émancipé de ses déterminations, c'est donc d'abord sa dimension offensive, sa violence même, au sein d'une guerre de position. Si nous avons oublié ce qu'est l'éducation bourgeoise, ou même ce qu'est le théâtre ou un art bourgeois, c'est peut-être qu'il n'en existe plus vraiment d'autres. Pourra-t-on conclure de cette présentation de Walter Benjamin? Ce texte, donc, nous rappelle douloureusement la nature de ses formes et de ses contenus. Mais l'enjeu pour Walter Benjamin est avant tout de ne pas voler aux enfants leur enfance, de définir un espace dans lequel elle pourra s'accomplir pleinement. Ou pour le dire autrement, si l'enfance déborde sentimentalement, encombre pathologiquement les activités du monde adulte, c'est sans doute qu'elle est restée inaccomplie. Enfin, il faut dire que ce qui compte en cet endroit est non seulement le développement, mais aussi une attention au monde des signes, des gestes, que Walter Benjamin caractérise, je cite encore, comme le signal secret de la réalité à venir, qui parle depuis le geste enfantin. Alors, naturellement, il nous faut essayer de donner corps à ces déterminations. À partir de notes rédigées en 1933, que j'ajoute ici comme un complément d'objet, nous pouvons nous faire une idée plus précise de ce qu'il entend par observation. Nous pouvons aussi caractériser à quoi ressemble ce qu'il caractérise comme des gestes enfantins. Évidemment, on peut aussi y entendre, y projeter ce qu'on peut admirer, découvrir, dans tel spectacle de danse, de théâtre, ou dans les situations les plus ordinaires qu'on a autour de nous. Walter Benjamin écrit « L'enfant va en arrière, aussi naturellement qu'il va en avant. Le pas en avant s'impose seulement sur fond de processus sélectif. Que l'enfant traîne le cheval derrière lui est donc une expression de son indifférence à l'égard de l'avant ou de l'arrière. Pour l'autre part, certes, il y a peut-être là une sorte de substitut dans le dos, quelque chose comme la recherche d'un dos vivant, autonome. Envie de tirer des petits chevaux, de conduire un train, d'être suivi sur son propre chemin, tirer derrière soi un fracas. Il y a une chose que peut l'adulte, marcher, mais une autre qui ne peut plus, apprendre à marcher. L'expérience de jeunesse propre à une génération a beaucoup à voir avec l'expérience du rêve. Sa figure historique est figure onirique. Chaque époque a ce côté tourné vers les rêves, ce côté enfant. Pour le siècle précédent, il ressort avec une grande netteté dans les passages. Mais tandis que l'éducation des générations antérieures dans la tradition, dans l'instruction religieuse, leur a interprété ses rêves, l'éducation d'aujourd'hui aboutit seulement à distraire les enfants. Ce qui va être donné ici, dans ce qui suit, est l'essai d'une technique de l'éveil. Proust n'a pu apparaître comme un phénomène sans exemple que dans une génération qui avait perdu tous les expédients physiquement naturels de la remémoration, et plus pauvre que les précédentes, était laissée à elle-même, donc ne pouvait se saisir des mondes enfantins que dans l'isolement, la dispersion et la pathologie. Cette citation décrit le programme que s'est donc fixé Walter Benjamin, annonçant la technique de l'éveil qu'il entend employer, où il s'agit d'abord de localiser le lieu matérialisant les rêves d'un temps, et où la tâche de l'enfance consiste, je cite, à engranger le nouveau monde dans l'espace symbolique, à découvrir ou fixer les nouvelles images, les nouvelles histoires. Chaque enfant, s'écrit-il, découvre ces nouvelles images pour les incorporer à la réserve d'images de l'humanité. Et sans doute, est-ce là un des enjeux principaux du théâtre prolétarien pour enfants, que d'être un des lieux de manifestation de ces nouvelles images, signal secret de la réalité à venir. Et sans doute aussi, ces contes radiophoniques sont une tentative ou une matérialisation de les construire, de les suggérer, ou de suggérer à ses auditeurs de les inventer, de les produire ou de les inscrire. C'est que, dans la conception de Walter Benjamin, le passé doit donner lieu à un renversement dialectique. S'il y a, je cite, « un enchaînement du rêve qui attend secrètement l'éveil, il en va du même du collectif rêvant auquel ses enfants vont fournir l'heureuse occasion du réveil », écrit-il. Ce lieu, pour le XIXe siècle, est donc matérialisé par les passages. Passages, panoramas, expositions universelles, intérieures, rues de Paris et enfin les barricades. Ce sont là, dans leur ordre d'apparition, les objets que pose Walter Benjamin en 1935 pour présenter son projet dans l'essai intitulé « Paris, capitale du XIXe siècle », la première version. Et on remarque évidemment que ce mode d'exposition se conclut par une inévitable tension, la lutte, le combat. Et cet essai constitue en réalité ce qu'il appelle une technique de l'éveil, en associant à l'œuvre, en réalité, des plus dangereuses apparues à la seconde moitié du XIXe siècle, à savoir celle de Karl Marx, en associant donc à cette œuvre une anamnèse nouvelle des produits sociaux, des modes d'être et des images circulantes. Walter Benjamin nous donne une intelligence nouvelle de l'histoire sociale. Et c'est d'abord de cette façon que je comprends ce qu'il appelle éveil. Après avoir parlé de la Commune comme le point culminant du XIXe siècle des révoltes ouvrières, se lançant dans la construction d'une société nouvelle, après avoir donc parlé de l'expérience de la Commune et du développement des forces productives ruinant les idéaux passés, Walter Benjamin caractérise la façon dont les forces créatrices s'émancipent du joug de l'art, architecture, photographie, dessin publicitaire, feuilleton, feuilleton littéraire. Et il va conclure son essai comme suit. Il s'agit là de la première version, c'est-à-dire avant qu'il ait pu découvrir le livre de Blanqui, L'éternité par les astres. Je vais vous le lire. Tous ces produits sont prêts à s'offrir sur le marché. Mais ils hésitent encore sur le seuil. De cette époque datent les passages et intérieurs, halls d'exposition et panoramas. Ce sont les vestiges d'un monde rêvé. L'exploitation, au réveil, des éléments fournis par les rêves représente un cas d'école de la pensée dialectique. C'est pourquoi celle-ci est l'organe du réveil historique. Chaque époque ne rêve pas seulement la suivante. En rêvant, elle tend aussi vers le réveil. Elle porte en elle sa propre fin et la déploie, comme Hegel l'avait compris, par la ruse. Avec l'ébranlement de l'économie marchande, nous commençons à découvrir, avant même leur effondrement, que les monuments de la bourgeoisie sont des ruines. Alors, pour conclure, voilà ce que je voulais dire. En résumant très simplement, très platement, et de manière souvent paraphrastique, la manière dont Walter Benjamin thématise une pensée de l'enfance, qu'il assume en réalité comme un gardiennage de ce qu'il appelle la réalité à venir. Une tension entre ce que nous avons dans le dos, à savoir notre enfance, et la réalité à venir. Car on l'a dit, c'est la tâche de l'enfance que de manifester les nouvelles images ou les nouvelles histoires. Ces images, nous les avons donc tous les jours sous nos yeux et à portée d'oreille, comme des signes, à travers leurs attitudes, paroles, bruits, sons et leurs gestes. Nous les avons aussi en mémoire lorsqu'elles nous reviennent accidentellement dans nos souvenirs et que l'on se revoit enfant. À ce moment-là, donc, quelque chose se réveille. Quelque chose se réveille dans le compagnonnage symptomatique de ce que furent les œuvres de Marcel Proust et de Charles Baudelaire. Et c'est cette matière dont il nous appartient alors de nous ressaisir après coup. Après coup. Pour construire un autre rapport au passé, au présent et à l'avenir qui ne soit en rien complice avec ce que décrivait Walter Benjamin dans la thèse 10, que j'avais placé comme un point de fixation. À ce propos, Walter Benjamin écrit dans le livre des passages, il écrit et réécrit sans cesse ce paragraphe, je le cite, « Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant, dans un éclair pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est la dialectique à l'arrêt. Car tandis que la relation du présent avec le passé est purement temporelle, continue, la relation de l'autrefois avec le maintenant présent est dialectique. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule, mais une image saccadée. Seules les images dialectiques sont des images authentiques. Alors naturellement, pour définir précisément ce qu'il appelle image dialectique, il faut reprendre patiemment sa genèse, entre notamment la dialectique marxiste, la théorie platonicienne des idées, l'interprétation des rêves et des signes hérités de la démarche freudienne et, évidemment, une théorie de l'image poétique. Mais cette façon d'envisager l'enfance comme révélateur, je voulais aussi la voir exister dans une tension entre cet enfant sale qu'on trouve dans le poème et les enfants sales amers et dangereux qui sont dans les rues. Je voulais aussi la mettre en tension, ou je voulais aussi mettre en tension ces bosses qui poussent aux choses, une chambre, un jardin, un banc ou une chaise, emblèmes des formations et des déformations que nous avons dans nos têtes, qui sont toujours en attente de s'ajuster, s'accorder ou se télescoper avec une réalité. Je voulais en somme mettre en tension ce Benjamin dont on ne retient parfois que la beauté mélancolique des images pour mieux négliger ce qu'il y a dans sa pensée de déterminé, d'offensif, de non réconciliable. Une douceur, évidemment, et une incisivité. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Alexandre, pour cette très très belle lecture. Pour le coup, on s'aperçoit que la thématique de l'enfance dans l'œuvre de Benjamin est aussi absolument fondamentale, et on voit toute l'ampleur, en fait, du questionnement que peut susciter cette thématique de l'enfance dans sa pensée, dans sa façon de réfléchir au monde actuel, mais aussi au monde à venir. Donc j'ouvre tout de suite le débat, la discussion, les questions. J'imagine qu'ils vont arriver. Peut-être, j'aurais peut-être juste une question pour ouvrir un peu la discussion. Merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur quelque chose qu'on a assez peu évoqué depuis le début du séminaire, qui est la question du geste, en fait, chez l'enfant et chez Benjamin. Mmh. Et on a beaucoup parlé des récits, de la narration, du conte, mais relativement peu, en fait, de cette question du geste, qui pourtant, je crois, joue un rôle assez central dans sa conception qu'il se fait, justement, du narrateur et du conteur, et de la place qu'il accorde aussi aux dimensions mimétiques. Mmh. Donc voilà, c'est peut-être une question très ouverte sur comment est-ce que tu verrais l'articulation entre la question de la narration et celle du geste. Est-ce qu'il y aurait des choses à dire Oui, bon, d'abord, je ne sais pas, je parle ici devant des gens qui ont lu et connaissent tellement mieux Walter Benjamin que moi que... ce que je dirais tout le temps relève d'hypothèses ou d'approximations qui permettent simplement de construire ou d'explorer un peu des points ou de décrocher un peu. Mais on l'a dit, hein, en tout cas ce matin, Nicolas citait ce texte qui s'appelle « Expérience et pauvreté » où il y a le narrateur. Et donc c'est dans un monde qui est où le cours de l'expérience, ou de la narration, mais c'est de l'expérience, a chuté. Tu as dit narration ce matin. Et face à cette chute, mais c'est ce que j'essaie de développer un peu dans ce que j'ai construit, c'est-à-dire dans la manière dont je reconstruisais un peu son propos, à partir du moment où il n'y a plus d'instance pour interpréter, porter les récits, évidemment... Benjamin utilise deux termes, deux notions qui sont plus qu'importantes dans son œuvre. La première, c'était pauvreté, dans une des citations que j'avais faites. La première, c'était pauvreté, puis l'autre, c'était éducation qui ne fait que distraire les enfants. Alors, je ne sais pas, quand on connaît un peu, enfin, quand on interroge un peu les concepts de pauvreté et de distraction, ça implique aussi d'en déduire une dimension absolument positive pour Benjamin. Je veux dire par là que les gestes, c'est ce qui relève, en quelque sorte un manque de narration, où c'est le lieu dans lequel on doit avoir une attention. Et par geste, on peut entendre des bruits, on peut entendre tout type de construction. elles sont corporelles, mais autres également. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai du mal à répondre parce que ça bavarde en même temps. Mais voilà, il y a comme un trou dans l'expérience. Et puis ce trou, il nous permet aussi donc, de regarder un peu autrement ce qu'il y a. Et dans ce qu'il y a, on peut être donc attentif à ce qu'il appelle cette façon dont les enfants assument un gardiennage des nouvelles images, des nouvelles histoires de corporéité. Voilà, c'est la manière positive dont je comprends cette crise que pointe Walter Benjamin. Super. Merci beaucoup. Mais de rien. Super. Est-ce que, oui, il y a un peu de bruit. Est-ce que, voilà, il y a des interventions, des remarques, questions? Nicolas. Le monde du dehors qui rentre dans notre séminaire, un peu comme les enfants, nous montrent peut-être un monde que les fantasmagories nous ont endormi, en fait. Et donc, moi, j'étais surpris, justement, en lisant les contes pour enfants, à quel point Benjamin n'avait pas peur, au contraire, de dire les horreurs du monde. On l'a vu dans l'introduction, dans le texte lu par Sonia, il prévoyait un texte sur le Ku Klux Klan, ce qui n'est pas rien, évidemment, à dire aux enfants. Et donc cette question de l'éveil, qui vient aussi des enfants, ou de l'observation qu'on serait capable de faire de ce monde de l'enfance, je trouve nous ramène à justement... peut-être l'inverse de la mélancolie ou de etc., qui est au contraire l'action. C'est-à-dire le fait que derrière cette analyse d'un monde fantasmagorique, déjà en ruine, comme tu le dis, ou comme Marc Berdel le dit d'ailleurs dans son texte, quand il parle des intérieurs bourgeois, sur lequel en fait tout est déjà là et tout est faux. Plus rien nous dit demain en fait. Et il me semble que c'est là où il y a le lien avec demain chez Benjamin, c'est-à-dire la capacité qu'il y aurait, par le fait de se mettre en situation d'éveil, de tout simplement être acteur, être actif. Je ne sais pas comment tu vois ce lien en fait à demain en fait, qui chez Benjamin n'est jamais si évident à regarder. On a tendance à le voir sur le passé et pas sur le demain, quoi. Bon, d'abord, tu as décrit mieux que j'essaie de le faire ce que j'essaie de dire. Merci, Nicolas. Et ensuite, ce que j'aime chez Walter Benjamin, c'est cette double tension, en fait. Une attention à la destruction et une attention à la création ou à la construction. Ce qu'il appelle le demain, c'était sans doute ce qu'il jouait dans ce qu'il appelait l'enfant politique du siècle. Ce qu'il appelle le demain, c'est dans cet espace relativement limité qu'est un théâtre, le moment où on ne vole plus à une enfance, son enfance, mais également au monde d'adulte, son monde d'adulte, et ainsi de suite. Alors, évidemment, c'est pas le demain, c'est pas quelque chose qu'on va décrire, qu'on va enfermer dans des propositions, mais il y a de double mouvement qui est de libération, qui est matérialisé dans ce texte-là, qui s'appelle « Expérience et pauvreté », ou dans ce texte qui s'appelle « Caractère destructeur », que j'essaie tout le temps de mettre en tension avec, ensuite, sa généalogie. Quand on ramasse dans les ruines d'un monde, ça veut dire que notre monde aussi est en ruine, si on suit sa proposition. C'est-à-dire qu'on est pris, on est toujours pris, en fait, dans le rêve de son temps. Et tout d'un coup, on se réveille, on se dit, oulala, qu'est-ce qui est arrivé? Ce que j'aime aussi chez Walter Benjamin, c'est à quel point sa pensée est simple, en fait. C'est juste quelqu'un qui, le matin, se réveille, se dit, ouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? À quoi j'ai rêvé? À quoi rêvons-nous, en fait? Et il nous dit tout le temps, que le rêve tend secrètement vers l'éveil. Ce qu'on appelle le demain ou l'avenir, c'est un ouvert de construction en réalité. Du récit ou à partir des matériaux je suis vraiment très imprécis, mais à partir de ce moment où on est réveillé, il devient un peu loisible d'être attentif à une histoire sociale. Il y a des histoires individuelles, ça ouvre quelque chose comme un demain émancipé des mauvais rêves d'un temps, quoi. Et comme tu l'as dit, ce qui est bouleversant chez lui, c'est qu'il regarde précisément ce qu'il y a de terrible dans le temps, alors que ce sont des choses qu'on cherche tout le temps, parce que c'est plus agréable de vivre comme ça, à mettre de côté. Il tient les choses en même temps, je crois. Je me reconstruis un peu mon Benjamin à moi. Il faudrait ensuite regarder plus précisément. Mais ce que je voulais faire ici, c'était tenir les deux choses, et aussi toujours dans une tension entre une douceur inquiétante des images et puis la manière dont elles se collent à la réalité, à ce télescope, à une réalité. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette problématique une articulation à faire avec un contrepoint à ce qu'on appelle le virtuel? C'est-à-dire, est-ce que ce gardiennage d'une réalité à venir n'est pas une espèce de définition critique formidable sur ce que la réduction du virtuel à un monde numérisé produit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, moi, je ressens quelque chose de très très fort derrière cette formule-là, le fait de préserver, c'est-à-dire d'alimenter et de toujours reconstruire, de toujours réalimenter, renouveler ces images d'une réalité à venir, ce que le virtuel, la nécessité du virtuel pour construire la réalité, et à la fois au sens de la vertu, et au sens du potentiel, et dans tous les sens du mot possible, quoi. Bon, voilà, c'est une réflexion, mais je ne sais pas si... Parce que je réfléchis aussi à la... Voilà, enfin, moi, ce qui me fascine un peu dans ce que j'entends, alors toi, tu fais ton grand modeste en disant, vous avez tous lu Benjamin, il y en a qui n'ont jamais lu, ou presque. Mais ce que j'entends de cette pensée-là, c'est une contemporanéité absolument formidable par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il commente au début du XXe siècle le rêve du siècle précédent. Et évidemment, quand on lit aujourd'hui, en modifiant, en bouleversant un peu les paramètres, on se rend compte que c'est la même histoire, une histoire différente, même histoire qui se rejoue. Oui. Et donc du coup c'est une même histoire parce que les paramètres, le monde change, il y a des bouleversements qui bouleversent tout, mais on voit bien qu'on vit toujours dans le même type de crise de génération, ce qui est on peut être dépité par ça, mais il y a aussi tout le temps chez Benjamin une dimension positive par rapport à ça. Une crise veut dire que une nouvelle interprétation, une nouvelle possibilité émerge. Enfin, je le lis aussi comme ça. Et c'est toujours la même histoire, parce que en fait, on est toujours les mêmes. On est très différents, mais on est toujours les mêmes. Et donc, on reproduit les choses. Ce qui est dramatique, c'est qu'il nous dit que nous, adultes, parce que je ne vois pas d'enfants dans la salle, on est incapable. Enfin, cet après-midi. Oui, je sais, mais là, il n'y en a pas. Nous, adultes, nous ne sommes plus capables. Nous sommes plus capables d'engranger les nouvelles images. Donc le virtuel, le numérique, etc., enfin, à le suivre strictement, on n'en est plus capable. Seul l'enfant peut l'accorder à une dimension symbolique. Ou pour le dire encore autrement, nous adultes, nous ne sommes que capables, à partir d'un principe de remémoration, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, c'est-à-dire quand accidentellement on retrouve des situations d'enfance qui nous remontent, à ce moment-là, oui, on est capable de ramener ces images à la réserve d'images de l'humanité, pour reprendre la citation de Benjamin. Voilà, alors entre cette incapacité par contre une capacité d'observation, d'attention qu'on peut avoir, c'est dans ce battement-là qu'on construit un peu les choses, quoi. Ce que Walter Benjamin a fait pour le 20e siècle, enfin pour le 19e siècle et le début du 20e, ben voilà, avec ta proposition, il appartient aux plus courageux d'entre nous, si on veut suivre sa méthode, de le faire à notre tour, quoi. Bon, et puis on a tous et toutes un peu peut-être, enfin, qui le lisons, cette attention, cette pensée. Voilà, moi, c'est... je ne sais pas si j'en ai la force. Ou si c'est... mais en tout cas, il est évidemment tout le temps dans ma tête, quand je regarde les choses ou quand j'essaie de construire un objet. Une dernière intervention ou... Mais après, on peut parler dans la rue aussi, oui, sinon, hein, ou demain. Ou... Oui. Bon, c'est bon. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'intervention de Alexandre. Merci beaucoup.